Le porte-parole du Comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée a publié le 24 un entretien qui dit notamment « Les Sud-Coréens de toutes les couches s'engagent énergiquement dans la lutte contre la disposition de SAD américains. Les paysans, en premier lieu, victimes directes, s'y opposent catégoriquement. Ceux de Songju de la province du Gyeongsang du Nord, choisis pour le déploiement de SAD, ont mis sur pied le comité de lutte contre la disposition de SAD de Songju avec les formations civiles et sociales de la région et mènent une lutte agissante comme le rassemblement des habitants de l'arrondissement, la manifestation à la bougie, la coupe des cheveux, la collecte de signatures, etc. » La lutte des paysans sud-coréens est l'explosion de la haine et de la colère insupportable envers la bande de Park Geun-hye qui viole le droit à l'existence des paysans et cède sans hésitation le terrain vital aux paysans comme base de guerre nucléaire américaine agressive. C'est aussi la forte résistance des Sud-Coréens déterminés à chasser les traîtres pro-américains qui vendent aux forces extérieures les intérêts du pays et de la nation. Sans égard au sort des paysans, la bande de Park Geun-hye, traîtresse à la nation, recourt aux forces extérieures. Si l'on laisse tel quel ces traîtres, les paysans sud-coréens ne pourront éviter les malheurs et souffrances plus dramatiques et toute la nation coréenne serait frappée des catastrophes de guerre nucléaire. Tous les Coréens de l'intérieur et de l'extérieur du pays livreront énergiquement une lutte nationale contre les impérialistes américains et la bande traîtresse, avec les paysans sud-coréens engagés courageusement dans la lutte pour défendre le droit à l'existence et démanteler les bases militaires américaines.